Teresa Carvalho. Ah, comadre Maribenta, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o faça estar pior. Ah, comadre Maribenta, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o faça estar pior. Gabi Fernandes. Porquê que tu... Le dimanche matin, en fin de matinée, nous aurons Os Bombos, Os Amigos de Portugal, pour égayer et réveiller notre fête. You got me in love. Non, non, non, on n'a pas oublié. Les Comes e Bebes seront bien évidemment des éléments incontournables pour la réussite de cette fête traditionnelle portugaise. Plusieurs restaurateurs seront présents pour vous proposer une large variété de spécialités culinaires. Alors, venez nous rejoindre pour vous restaurer dès le samedi soir et le dimanche toute la journée. C'est de tradition et Radio Arc-en-Ciel ne brisera pas cette tradition. Fin des festivités vers 19h avec l'intervention d'Os Bombos aux Amigos de Portugal. Deux jours de fête, de convivialité, de bonne humeur, dans un cadre verdoyant. En bref, si vous souhaitez vous amuser, faire la fête, danser entre amis, en famille, la fête incontournable de l'agglomération orléanaise se déroulera le samedi 6 et le dimanche 7 juillet au parc de Nirol à Fleury-les-Aubrais. Et on compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec moi pour l'instant, mais Nathan arrive. Nathan a subi de petites perturbations sur la route, mais il arrive bientôt, on va dire dans quelques minutes. On l'attend avec impatience. On se retrouve aujourd'hui dans une émission ensoleillée, car oui, le soleil est enfin là, et la bonne humeur est là. On est à presque, une semaine sur de la Saint-Jean, donc oui, le festival de la Saint-Populaire que tout le monde attend avec impatience arrive très prochainement, donc le 6 et 7 juillet au parc de la Lignerolle à Fleury-les-Aubrais, un festival à ne pas manquer. Donc on est là aujourd'hui pour en parler, plus vous en parler car on a quelques informations à vous donner, quelques défis que vous allez devoir relever et participer avec nous à cette émission bien sûr. Tout en étant dans la musique qui va nous donner envie d'aller en vacances avec ce beau soleil qui est là aujourd'hui, cette belle chaleur qui nous a manqué quand même. Donc aujourd'hui, une émission où nous aurons une chronique de ma part avec tous les artistes de la Saint-Jean, car oui, nous les avons tous présentés un par un lors des émissions qu'on a fait. Donc qui sont Carla Blondi, Ruizing du Accordéon, Teresa Carvalho, DJ Frankie, on nous a parlé, on n'a pas mis de musique. Os Maravillas, Gabi Fernandez, Capanegra, Daniel Enriquez et le groupe Fréquence, donc des artistes, de nombreux artistes qui vous attendent le 6 et 7 juillet. Et donc nous allons parler aujourd'hui avec Nathan qui arrivera bientôt. Donc on allons commencer notre émission tout à fait normale. Ah oui, sans oublier la chronique de Nathan qui sera à 17h30. Sa chronique qui est de présenter un nouvel artiste. En tout cas, de vous le présenter, un qui n'est pas forcément connu, ou quelqu'un qui est connu mais qui nous en parle, donc nous présenter un artiste avec une musique et nous raconter son histoire. Donc nous avons Triat, donc il sera là dans quelques minutes, nous l'attendrons, mais sa chronique sera à 17h30, donc à ne pas louper. Et à 16h30, donc nous allons mettre un peu quelques musiques de plusieurs des artistes qui viennent à Saint Populaire.

de la Saint-Jean. Et on va continuer après avec une surprise que Christine a déjà, bah, que j'ai annoncée avec Christine samedi. Mais tout le monde n'écoute pas forcément le samedi ou n'a pas écouté à cette heure-là. Donc nous allons en parler tout à l'heure. Si t'es d'accord. Ah bah évidemment. Et même, j'ai même les petits accessoires. Oula. Juste à côté. Ah bah nickel. Comme ça on est prêt. Donc on en parlera tout à l'heure. On continue en musique avec Major Lazer. pra mim. Gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. Ai uê, lelele, estou aqui. Gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. Festa sai a arrebentar. Elas enganam o salão. Muito longe de pensar que ela me tinha na mão. Meu amigo segredou. Olha a saia curta dela. Um olhar ela mandou. Eu fiquei vidrado nela. Vai ter história pra contar. O que vai acontecer? Não sei como a conquistar. Se é convido pra dançar, se é convido pra beber. Vai ter história pra contar, pois vai. Estou num clima de paixão. Não sei como a convidar. Tenho medo de falar. Vou cantar-lhe esta canção. Ai, uê, lelele, estou aqui. Vem pra mim, gosto dela. É donzela. Vou fazer aham com ela. Ai, uê, lelele, estou aqui. Gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. Não sei como a conquistar. Se é convido pra dançar, se é convido pra beber. Vai ter história pra contar, pois vai. Estou num clima de paixão. Não sei como a convidar. Tenho medo de falar. Vou cantar-lhe esta canção. Ai, uê, lelele, estou aqui. Vem pra mim, gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. Ai, uê, lelele, estou aqui. Gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. Lelele, estou aqui. Vem pra mim, gosto dela, é donzela. Vou fazer aham. C'est l'heure de la chronique, donc une chronique un peu spéciale parce que c'est pas un top, c'est juste une chronique où nous allons parler un peu. Et nous allons parler des artistes qui sera là le 6 et 7 juillet. Donc on va commencer par le samedi. Le samedi matin, le samedi soir, nous aurons DJ Frankie qui viendra animer la Saint-Jean. Donc comme l'année dernière, avec des musiques latino, en faisant des remixes, etc. Donc pour nous mettre déjà dans l'ambiance. Et ensuite, par la suite, nous aurons du coup l'artiste Daniela Henriquez qui viendra chanter en solo. Donc nous allons écouter une de ses musiques. Est-ce que tu en connais une, Nathan? Une qui me vient là tout de suite, Danza Conmigo. Et bah c'est bien, parce que c'est celle-là qu'on va écouter. Et bah c'est nickel. On écoute. Danza, danza comigo. Seja funda, não merengue.

que eu não fico, porque gosto de vos dar. Sou o Ruizinho e com o meu acordeão, atenção, do sacristão até o dia Et juste après, nous retrouverons Carla Blondi le dimanche après-midi qui sera là pour enjailler toute la scène avec nous. Donc on écoute ça tout de suite. Os Maravillas qui sera là pour nous ambiancer. Continuerons avec Teresa Carvalho pour Flor del Verde Pinho. Verde catedral marinha e cuja reza caminha pelas revoantes naves. Ai, flores do verde pinho, dizem que novas sabedes da minha alma. Cujas sedes me perderam no caminho. acolhe-me com piedade, longo jardim de saudade que me puseste no sangue. Ai, flores do verde ramo, dizem que novas sabedes da minha alma cujas sedes malongaram do que eu amo. A tua alma em mim existe e anda no aroma das flores que te falam dos amores, de tudo o que é lindo e triste. A tua alma com carinho eu guardo e deito a cantar. E on continuera en musique toujours avec un grand artiste que vous avez connu grâce à un groupe qui s'appelait Hermange Verdad, et là qui sera là en solo, Gaby Fernandez. Le festival continuera avec le groupe Fréquence qui sera là, qui nous fait l'honneur d'être là aussi, car cette année on n'aura pas un groupe mais deux groupes qui sera là, avec l'artiste Daniel Henriquez, mais qui fait partie de ce groupe, donc on va pouvoir écouter ce groupe toute la fin d'après-midi, toute l'après-midi, et aussi Os Bourbons, Os Amigos de Portugal, qui sera là aussi pour mettre l'ambiance et faire honneur au Portugal. Donc un grand panel d'artistes, on va dire. C'est sûr. Un panel qui nous donne envie de faire la fête et de nous amuser ce week-end du 6 et 7 juillet. Donc, venez. On a hâte de vous y retrouver. On a hâte aussi. On va continuer, on va finir la musique Fiesta Latina. Et après, on va vous annoncer, pardon, ah j'ai du mal là, une première surprise que Christine a parlé samedi dernier, mais que nous allons parler, mais qu'on a aussi besoin de vous pour cette surprise. Car on peut pas faire ça tout seul. Ça, c'est sûr. Donc, on laisse passer la musique et on parle après. On va bouger, bouger, bouger. Personne pourra t'empêcher. Allez, allez, bouge ton corps. Allez, allez, balance encore. Yes, si ce soir c'est un soir, il faut tout donner, tout donner. Ah, sube, sube las manos. Mueve, mueve, mueve la cintura. Et donc maintenant, c'est l'heure de vous parler de la surprise que nous avons besoin de vous. Dans ce week-end, vous allez entendre une musique, pas une, mais plusieurs fois, dans ce festival, qui est celle-là. Et quand vous allez entendre cette musique, qu'est-ce que ça signifie, Nathan ? Eh bah, ça va être un peu notre rythme de la fête finalement. Tout donc à fait. Une petite danse qui a été composée par nous-mêmes ou que nous avons fait sur scène et que du coup on espère que vous nous rejoignez dessus. Et tout à fait, il a clairement tout dit. Cette musique-là est une musique que nous avons dédiée cette année pour un hymne national, on va dire, de la scène populaire. Nous avons créé une belle chorégraphie quand même dessus, que nous allons poster aujourd'hui sur le réseau, où moi et Nathan et Lucie et Lola faisons, et nous allons vous montrer comment faire les pas. Mais à vous de nous envoyer grâce à la radio, donc soit sur leur mail personnel, ou en nous envoyant à nous plus rapidement dans notre groupe, ou à nous personnellement, si vous connaissez Nathan, si vous me connaissez moi, si vous connaissez même ici. Sur l'arc-en-ciel, sur le Instagram, pardon, de l'arc-en-ciel radio. Tout à fait, arc-en-ciel radio, et sur Facebook, radio arc-en-ciel. Donc, envoyez-nous vos vidéos en train de danser, ou sur nos pages, donc Facebook et Instagram, qui sont avec vous, radio. Donc, n'hésitez pas, jouez le jeu, faites avec nous, comme ça on pourra faire un bon montage, et voir toutes vos belles chorégraphies, et voir comment vous dansez dans cette belle hymne que du coup nous ferons à la Saint-Jean plusieurs fois. Et si les gens jouent le jeu, si on voit que vous êtes tous dynamiques, vous donnez votre meilleur pour cette danse, eh ben nous avons prévu des petits cadeaux. Pas qu'un, plusieurs cadeaux qui vont plaire les enfants, les adultes, tout le monde. Mais pour ça, il va falloir danser. Eh oui, donc on a hâte de vous y retrouver. Il va falloir mettre le feu, s'amuser, sauter. Et peut-être on prendra des gens aléatoires pour qu'ils viennent nous accompagner, n'est-ce pas ? Oui, moi j'ai déjà des noms en tête. Moi aussi j'en ai quelques-unes. Qui savent un peu la chorégraphie. Mais on a hâte de tous vous voir danser, de faire une belle chorégraphie. Donc ça c'est le défi qu'on vous lance, de tous danser avec nous, de nous accompagner pour mettre le feu à cette Saint-Jean, donc cette 31e édition de la Saint-Populaire, qui sera... en tout cas, mouvementé, on l'espère, en tout cas. Donc, un défi à relever, c'est de participer avec nous à la danse et d'avoir des cadeaux, plein de cadeaux. En tout cas, on va pousser ça aujourd'hui et on verra si tout le monde joue le jeu. Mais nous avons très hâte. N'est-ce pas, Nathan ? Très, très hâte. En tout cas, on va laisser écouter la musique quand même pour que vous vous mettez à l'idée. C'est quoi le son de la Saint Populaire 2024 ? Es una fiesta loca, danza latino, caliente culo. Me dis que

pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Baila conmigo. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. En parlant de chorégraphie, de personnes qui vont devoir danser, comme on parlait Nathan, aujourd'hui nous avons quelqu'un avec nous. Ah oui, bah je la laisse te présenter quand même. On va te laisser te présenter, mamie. Oui, oui, oui, il faut parler devant le micro, oui, oui, on t'entend tous. Tu te moques de moi là ? Non, non. Eh bien, il y a mamie à la radio aujourd'hui. Aujourd'hui, qui vient nous écouter et un peu regarder ce qu'on va alors vous préparer à la Saint-Jean. Et ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle avait hâte aussi de venir danser à la Saint-Jean. Mm-hmm. Pour faire l'hymne national du Caliente Cudoro de 2024. Ouais. Donc on a hâte de devoir danser. De danser ? Oui. Ah ben moi j'ai hâte de voir tous les autres danser avant. Et ben on a tous hâte de tous nous voir danser, de voir Nathan danser. On va mettre une petite jupe à Nathan pour qu'il fasse les petites danseuses, qu'il fasse les petites... En plus, Daniela Henriquez, on était en interview il y a le 22 mai, elle nous avait dit qu'elle manquait de danseuses. Ben voilà, on a trouvé pour Daniela. Je vais me déguiser alors. On veut une petite perruque, danseuse, etc. Pas de soucis. On va t'acheter un costume. Après, il y aura Lucie et Lola aussi qui viendra danser avec nous sur scène. Etc. Donc voilà, mamie qui a hâte aussi de découvrir, comme tout le monde, en tout cas je l'espère, ouais, un festival mouvementé. Déjà. Et bah oui, les Saints Populaires, vraiment que je suis tous les ans et je continuerai à suivre. Et bah c'est bien, j'espère que tous les auditeurs sont aussi comme ça. Oh bah, je crois que oui, oui, oui. De ce côté-là, il suffit de voir déjà quand il y a les balles, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Tout à fait, cette année, il y a eu de bons gros balles, on va dire, avec Zé Amar qui est venu. Georges Ferreira. Voilà, j'avais oublié son prénom. Et Maïda Gaït pour l'anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, des artistes, et même un panel d'artistes cette année qui est incroyable et avec des styles tout à fait différents. On passe de fado à des musiques... nouvelle avec Osmar Avilash, le grand et célèbre Gabi Fernandez qui faisait partie du groupe Image of Verdad, Carla Blondi, Rousine Accordéon, donc on aura encore de l'accordéon, Daliana Henriquez, une nouvelle chanteuse que vraiment qui je crois épate beaucoup de personnes car on a beaucoup de retours sur nos réseaux sociaux, on va dire, de l'interview, merci de ses musiques, le fameux groupe Capa Negra que nous avons tant d'années et qui nous met toujours la bonne ambiance et le feu au parc de la Lignerolles. DJ Frankie qui faisait partie de la radio et qui mettait déjà le feu et qui nous met le feu actuellement à la Saint-Jean. Et le groupe Fréquence qui sera là aussi cette année, deux groupes, un panel d'artistes qu'on a hâte de tous découvrir. Oui. On continue en musique si vous voulez, avec Paru Murzin de Bombok. Amanhecer

Le dimanche matin, en fin de matinée, nous aurons Os Bombos, Os Amigos de Portugal, pour égayer et réveiller notre fête. You got me in love. Non, non, non, on n'a pas oublié. Les coms et beiges seront bien évidemment des éléments incontournables pour la réussite de cette fête traditionnelle portugaise. Plusieurs restaurateurs seront présents pour vous proposer une large variété de spécialités culinaires. Alors, venez nous rejoindre pour vous restaurer dès le samedi soir et le dimanche toute la journée. C'est de tradition et Radio Arc-en-Ciel ne brisera pas cette tradition. Fin des festivités vers 19h avec l'intervention d'Os Bombos aux Amigos de Portugal. Deux jours de fête, de convivialité, de bonne humeur, dans un cadre verdoyant. En bref, si vous souhaitez vous amuser, faire la fête, danser entre amis, en famille, la fête incontournable de l'agglomération orléanaise se déroulera le samedi 6 et le dimanche 7 juillet au parc de Nirol à Fleury-les-Aubrais. Et on compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. T'as pas idée, j'ai tout donné pour te garder, t'as pas idée. I put some weight upon my shoulders on the way, hey, babe, but you don't see it that way. J'ai mis ma main dans le feu, mais t'as pas idée. J'ai tout donné, tout a tout abandonné. I put some weight upon my shoulders on the way, hey, babe, but you don't see it that way. On se fait mal, on s'éloigne, mais tu reviens pas. Partout sauf là où j'aimerais me garer. Ma peine est momentanée, elle met du temps à s'étaler. Plus repenser à s'étaler, plus repenser à cette année. Je vais partir à peine arrivé, avoir à peine habillé. Je suis connu dans toute la France, donc je suis privé de vie privée. Trop peu de temps à vivre ici, pour jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine. Il y a plus d'espoir aujourd'hui. Jouer ces comédies, demain n'existe plus. Mon cœur fait le même bruit que la Benz. Elle me dit je t'aime, je dis que ça passera. J'pars en lambeau comme la Genja. J'pars en lambeau comme la Genja. Mon cœur fait le même bruit que la Benz. Elle me dit je t'aime, je dis que ça passera. Je lui demande de quoi t'as peur. Elle me répond j'ai peur de toi. Donne-moi 100, j'en ferai 200. Donne-moi de l'eau, j'en ferai de l'essence. Me donne pas ton cœur, j'en ferai du sang. La sentence est irrévocable, l'amour devrait être remboursé par la sécurité sociale. Maintenant je lis tes messages comme si je lisais des spams. Toute ma vie j'ai cherché quelque chose qui n'existait pas. Passer des heures entières à chercher le code de mon bigot. Vouloir se montrer à tout prix, mais la mort se joue à huis clos, yeah. Trop peu de temps à vivre ici. Jouer cette tragédie. Si tu dois partir, je n'aurai pas de peine, il y a espoir aujourd'hui. Jouer ses comédies. Demain n'existe plus. Mon cœur fait le même bruit que la Benz. Elle me dit je t'aime, je dis que ça passera. J'pars en lambeau comme la Genja. J'pars en lambeau comme la Genja. Mon cœur fait le même bruit que la Benz. Elle me dit je t'aime, je dis que ça passera. J'lui demande de quoi t'as peur. Elle me répond, j'ai peur de toi. Elle me répond, j'ai peur de toi. Elle me répond, j'ai peur de toi. quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera. Y termina la condena, me divierte, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. I don't need honesty. Et en ces périodes de beau temps de, qui sont arrivées, il y a nous aussi, donc nous les ceux qui sont en terminale, qui passons le bac. Et la semaine dernière, du coup, on n'a pas pu être là parce qu'on passait nos épreuves écrites. Tout à fait. Et comment ça s'est passé, Nathan ? Eh ben, étonnamment à ce que j'aurais pu penser au préalable, ça s'est super bien passé. Personnellement, moi, le mercredi, j'ai passé les sciences et franchement, je suis plutôt fier. Eh ben, c'est bien. Le mercredi, j'avais passé quoi ? Management, une épreuve tant et tant redoutée, on va dire. Et alors, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh ben, au vu de la correction, ça va, je me suis plutôt bien débrouillé. Bah, quand j'ai eu le sujet, je me suis dit, je comprends tout, c'est pas normal. Mais après, vu les résultats et vu la correction plutôt, eh ben, je me suis plutôt bien débrouillé, on va dire. Mais après, tout dépendra du correcteur et de voir s'il croit que j'ai raison ou pas. Le 8 juillet. Le 8 juillet, donc après la Saint-Jean. Quand nous, on sera en train de ranger les mégots, même si il est fort demandé et conseillé de les jeter dans une poubelle qui seront mis à disposition, nous serons en train de ranger tout, rendre le parc le plus beau possible, autant propre qu'il a été quand on a été avant. Et ben nous, avec Nathan, avec Lucie, avec Lola, on sera avec nos téléphones sur le côté pour savoir si on a été admis au bac, pour savoir si nous avons une autre mention, pour savoir si on fait pas le rattrapage. Ce qu'on ne vise pas du tout, j'espère. Bah non, évidemment. Et vous, j'espère que bah, les jeunes qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, comment s'est passé vos épreuves ? Si vous avez besoin d'en raconter un petit peu, dire qu'est-ce que vous avez passé comme épreuve, comment ça s'est déroulé, bah, vous pouvez appeler au numéro que vous connaissez tous. Le 02 38 43 50 09. Non, pas du tout. Non, 02 38. 43 50 09. Non. Ah non, 48 00, pardon. Parce que là, si tu appelles, tu appelles Annabelle. On fait des bisous à Annabelle sur le moment. Des gros bisous. Mais je pense qu'elle va vouloir faire des dédicaces à Annabelle. J'ai inversé, pardon, excusez-moi. Donc au 02 38 43 48 00. Et bah, c'est Mamie connaît le mieux quand même, hein. Alors elle est là depuis plus longtemps que moi. Elle est pas. Ah, elle est pas dans la radio. Non, je suis pas dans la radio. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que j'écoute la radio à la maison et que je fais des dédicaces. Ah, je crois que c'est la personne qui écoute, oui, le plus à la radio au monde. En tout cas, la radio portugaise. Radio Arc-en-Ciel, je pense que... Oui. S'il devait avoir une ambassadrice... Lundi. Du lundi au dimanche, du lundi au lundi. On va faire des votes d'ambassadrice qui nous écoute le plus. Ah bah oui. Je crois que Mamie... On les invitera sur scène pour faire la chorégraphie. Mais Mamie, elle est invitée, hein. Et toutes les autres... ceux qui veulent faire... Ceux qui sont prêts à faire la chorégraphie, hein. D'abord, il faut que je l'apprenne. Tout d'abord, et bah, c'est bien parce qu'on va la poster ce soir, donc tu pourras déjà t'entraîner pour le samedi prochain. Pas samedi qui arrive, mais samedi après. Le 6 et 7 juillet. Pas de soucis. On continue en musique avec Habibi de Romana. Habibi, habibi, a bailar contigo fui tão feliz. Habibi. Et quand le monde me désole, tout devient moche ou désordre. Même entouré, je me sens seul. Voilà pourquoi je m'isole. Oh, oh. Et quand le monde me désole, tout devient moche ou désordre. Oh. Même entouré, je me sens seul. Voilà pourquoi je m'isole. Yeah. Sors de la tour, je casse un tour, je revois le fou, j'y retournerai jamais. Sors de la tour, je casse un tour, je revois le fou, j'y retournerai jamais. Distant, je suis devenu distant, je préfère en distance. Yeah. J'ai gardé mes bras sur la terre, car j'ai des frères dans le ciel. Je m'endors avec mes problèmes, elle s'endort avec mes problèmes. L'insomnie m'a cerné, foncé, je me sens plus concerné. Je m'endors avec mes problèmes, elle s'endort avec mes problèmes. L'insomnie m'a cerné, foncé, je me sens plus concerné. My baby love, my baby love, my baby love, my baby love. Et c'est le moment pour moi de faire une petite dédicace à une personne que j'aime énormément, à ma marraine qui est enceinte, donc j'ai déjà annoncé plusieurs fois, mais que je lui fais quand même toujours des petites dédicaces, qui est bientôt à terme, on va dire, notre petite princesse, la future princesse de la famille, arrive très prochainement. Donc pour ça, je vais faire une dédicace à ma marraine et à la petite fille qui va arriver, la princesse qui va arriver dans pas longtemps, avec une musique qui est sortie il y a 4 jours, de Kalema, donc les artistes qu'elle adore, et de Taïk, dis-le-moi. Donc pour ça, on doit écouter cette belle musique. Mais un petit problème technique, mais on va parler en attendant. Et sur cette dédicace aussi, je peux la dédier aussi à ma grand-mère, qui est avec elle, qui prend soin d'elle en ce moment. Donc je fais des bisous à tout le monde pour cette dédicace. Nathan, tu vas y arriver. YouTube n'est pas avec nous aujourd'hui pour les dédicaces. Dis-le-moi, de Taïk et de Kalema. Où tout est tracé, tout est déjà tracé. Trop longtemps, je ne dors pas la nuit. Tu ne mérites que mes larmes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi encore. Vas-y, dis-moi ça, dis-moi ça. encore de gros bisous à ma marraine et à la princesse qui va arriver dans quelques temps. De gros bisous et sur une belle musique. En tout cas, qui est sortie il y a 4 jours, mais qui est pour moi incroyable, avec des belles paroles. Et c'est le moment, il est 17h31, c'est le moment de quoi Nathan ? C'est le moment de ma chronique. Tout à fait. Donc, de qui tu vas nous parler ? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de... Du coup, une artiste, ça a un peu changé entre-temps. Ah, donc j'étais un peu indécis aujourd'hui. Oui, je savais pas trop. Mais du coup, on repart sur une actrice, non ? Enfin, oui, une actrice, mais une artiste, pardon. Et du coup, on fera un artiste la prochaine fois. Du coup, aujourd'hui, je vous présente Adèle Castillon. Adèle Castillon, elle est née en octobre 2001 à Angers. Dès son plus jeune âge, elle réalise des vidéos sur Internet de nature un peu humoristique. Et du coup, son ascension dans ce monde de l'audiovisuel va lui faire prendre plusieurs rôles dans la vie. Elle a d'abord été intervieweuse de stars, comme dans un média, puis actrice de films. Du coup, voilà pourquoi je disais actrice. Ah, bon, voilà. Mais c'est lors de sa rencontre avec Mathieu Reynaud en 2018 qu'elle crée un groupe de musique qui va s'appeler Vidéo Club. Donc avec ce groupe, enfin plutôt ce duo d'ailleurs, avec qui elle va se mettre en couple, ils vont se faire connaître chez les jeunes avec leurs nuances un peu électropop, et notamment le titre Amour Plastique qui cumule encore aujourd'hui plus de 130 millions de vues. Ce qui est énorme. Énorme, oui. Pour des jeunes, elle a 22 ans, si je dis pas de bêtises. Donc pour des jeunes, franchement, c'est quand même un début de carrière plutôt exceptionnel. Elle va continuer sa carrière dans le cinéma en parallèle, mais en mars 2021, le groupe se sépare, malheureusement. Mais pour autant, ça va marquer un tournant dans sa carrière. Elle ne va pas abandonner, au contraire, mais elle va lancer sa propre carrière solo. Et c'est en 2022 qu'elle sort le son Impala, son premier succès personnel. Et notamment, pardon, son premier album, Plaisir, Risque et Dépendance. Ce nouveau départ lui a valu même d'être nommée aux révélations féminines des Victoires de la Musique en 2024. Donc pour moi, je pense que c'est une grande carrière qui continue et qui va s'annoncer pour elle. Je vais vous faire écouter du coup Impala, sorti en 2022. On écoute ça tout de suite. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Envoyer balader, danser tout l'été. Regardez-moi et poussez-vous. Je veux danser, plus rien à foutre. Non, je n'ai plus envie de toi. Tu les veux toutes. Envoyer balader, danser tout l'été. Monter en Impala. Qui fait quand t'es pas là? Envoyer balader, danser tout l'été. Monter en Impala. Qui fait quand t'es titre qui donne envie de danser, de s'amuser. Oui. Et très très récemment, elle a sorti un feat avec Gazo, le rappeur. Un artiste connu en France énormément. Et que du coup, ce feat, j'ai pu te le faire découvrir. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, franchement, je trouve que c'est deux styles différents un peu entre ce qu'elle fait elle personnellement et parce qu'elle a sorti avec Gazo. C'est ça. Mais c'est deux registres incroyables et qui donnent forcément envie d'écouter et qui donnent envie de. C'est un peu une musique de l'été finalement. Oui, voilà. Parce qu'elle l'a totalement sorti de son registre. Tout à fait. Lui, il n'est pas dans ça et elle est dans ça, mais un peu moins quand même. Parce qu'il y a le côté de Gazo qui est dedans. Donc ça fait un tube incroyable. On va enchaîner avec une musique et on attend de voir si vous allez la reconnaître. Et pour ça, appelez-nous pour savoir si vous savez quelle est cette musique et à quoi elle correspond. On verra qui sera le plus rapide. Quelle est cette musique? Ton micro est éteint, Nathan. Autant pour moi. C'est Caliente Kuduro. Ah, on a des appels. On va voir. Quelques bonnes réponses, beaucoup de bonnes réponses de la musique Caliente Kuduro. Nous avons une réponse de Eduarda. Eduarda qui, au passage, dit un gros bisou et un bonjour à Noël. Donc, on lui fait des gros bisous. Et donc, elle nous écoute. Et elle a trouvé Caliente Kuduro, donc qui est bien la musique de la Saint Populaire 2024. Donc, la musique où nous allons faire une chorégraphie, s'amuser tous ensemble et danser. Et nous avons eu aussi une réponse de Tiffany qui nous dit Caliente Kuduro. De collectif métissé et qui donc sera l'hymne aussi. Donc plein de réponses. En tout cas, vous avez bien réussi à jouer le jeu et on vous en remercie et on espère aussi que vous avez joué le jeu à la Saint-Jean, donc le 6 et 7 juillet. Donc on continue la musique avec Caliente Kuduro. Qui rentre dans vos têtes. Et donc nous parlons de la Sainte Populaire que nous avons tous hâte le 6-7 juillet et de danser donc avec Septine. Mais un autre événement est ce soir. Est-ce que vous savez ce que c'est ce soir? Du football. Et oui, du football. Et qui joue? Le Portugal. Et ben pour ça, on va mettre une petite musique pour quand même s'ambiancer dans cette Euro qui est, on est qualifié en tout cas. Une belle victoire. On va écouter Vai Portugal pour encore encourager l'équipe, donner la motivation et que tout le monde ce soir sera devant la télé en train de l'encourager. Bien sûr, Nathan, qui était à deux émissions, je crois, soutenez-vous. Et non, on soutient tous la France parce qu'on est en France. Pour ceux qui aiment. Mais il nous avait un peu dit que la France, nanana, le Portugal, nanana. On va avoir l'occasion d'en parler. On va avoir l'occasion d'en parler. Parce que du coup, il s'est passé des choses entre temps, on va avoir l'occasion d'en parler. Et bah pour ça, d'abord, on va passer à la musique. Vai Portugal, pour encourager le Portugal. Donc allez le Portugal. Portugal, appelez-nous pour savoir si ce soir vous allez être présent pour regarder le match, pour dire que vous allez encourager. Donc, en tout cas, moi je dis Nathan, il va être devant en train de les encourager, bien sûr. Ce soir, ouais. Ce soir, t'as intérêt à crier allez le Portugal, allez le Portugal. On va voir, je vais filmer et le mettre dans le groupe avec vous si vous voulez voir Nathan encourager le Portugal. Minimum. Donc, vas-y, si tu veux, on peut parler du foot à présent. Et ben, pour ce qui est de, un peu de la rivalité France-Portugal, moi je pense qu'elle va pouvoir se régler. Parce que si les deux équipes gagnent leur prochain match, elles vont s'affronter le 5 juillet. Donc ça sera le moment de voir qui est la meilleure équipe. Alors la meilleure équipe, ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire, mais qui va poursuivre l'Euro, je veux dire. Qui va poursuivre l'Euro? Déjà, si vous êtes qualifié, si la France est qualifiée, si le Portugal est qualifié. La France aussi est qualifiée. Oui. Mais il faut savoir s'ils vont rester. C'est ça. Donc un match chacun, enfin pour chaque équipe, qui va déterminer si on s'affrontera le 5 juillet. Et juste avant les Saintes Populaires, en plus. Ça va être la guerre. Mais en tout cas, ce soir, c'est la Géorgie que le Portugal affronte à 21h. Donc on verra bien. Moi, j'y crois. Sur les derniers matchs, ils ont plutôt été plutôt forts. Contre la Turquie, 3-0. Contre la Tchéquie, 2-1. Donc bon. Allez, le Portugal. Il n'y a pas de raison. Et la France qui a joué hier soir avec une égalité, malheureusement. Donc 1-1, comme le match dernier contre c'était qui? Contre qui le match d'avant? L'Autriche était la première. Non, l'Autriche était le premier match. Le match d'avant. Il y a Autriche-Pologne et... Pays-Bas, où il y a une égalité. Et le Portugal qui a gagné contre la Turquie 3-0, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Et 2-1 contre c'était qui? Contre le, je sais plus c'était qui le premier match qu'ils ont joué. Mais en tout cas, un match ce soir à regarder en famille, entre amis, à encourager. Après, moi je pense que voilà, ça va se révéler dans les huitièmes de finale, parce que là c'était les phases de groupe. Mais si on suit l'Euro 2021, il se passe un peu les mêmes événements. Moi je trouve que c'est un peu scripté et qu'ils vont se révéler. En tout cas pour la France. Après le Portugal, on verra. Il joue plutôt bien pour l'instant. Oui. Ça, pour l'instant, il joue plutôt bien. Parce que 3-0, quand même, c'est un beau match. Mais on verra par la suite des événements. En tout cas, que le meilleur gagne, on va dire. Voilà, puis... parce qu'il y a des équipes qui sont derrière eux. On parle de la France et du Portugal, mais l'Allemagne, l'Angleterre sont des équipes plutôt pas mal, on veut dire, en termes de... Ah, Mamie n'est pas l'air d'accord. Mamie n'est pas trop d'accord. On va laisser parler Mamie. Allez, mamie, tu veux parler? Parce que l'Angleterre compte, l'Angleterre et l'Allemagne comptent de bons joueurs qui viennent de gagner la Ligue des Champions, etc. Si vous avez suivi un peu les matchs, bah, il y a eu quand même des petits problèmes. Enfin, ils n'ont pas joué comme d'habitude. Parce que je sais que l'Allemagne, elle était très bonne. L'Angleterre, elle était très bonne aussi. Et j'ai regardé hier, c'était l'Angleterre. Après, ils sont qualifiés, donc ils n'ont plus trop à se donner, en fait. Donc peut-être qu'ils se reposent avant de tout casser, on va dire. Ah bah, de toute façon... Moi, je pense que c'est voilà, pendant vraiment les éliminatoires que ça va jouer. Parce que là, c'était que les phases de groupe. Oui, je pense que toutes les équipes vont se partir en confiance. Parce que c'était des petites qualifications, on va dire. Alors que là, s'ils perdent, bah... il n'y a plus de retour à l'arrière. Donc on verra bien sur les prochains jours. Ce soir, c'est les derniers matchs de qualification, je crois. Voilà, de toute façon, le Portugal est déjà qualifié. Tout mais c'est pour faire les trois matchs de phase de groupe. Donc on le rappelle, Croatie-Portugal ce soir à 21h. Tout à fait, à regarder à la télé, en famille, entre amis. Voilà, ils les encouragent, même s'ils ne nous entendent pas. Mais... ils ne nous entendent pas, mais au moins ils savent qu'on est présent. Je pense qu'ils ont une de bonnes tribunes là-bas. Tout à fait. On continue en musique avec des musiques portugaises, françaises, de tout type. On va continuer avec quand même des artistes que nous avons, quelques artistes que nous allons retrouver à la Saint-Jean. Donc on continue avec Daniela Henriquez. Dança com... non, pas du tout. C'est Danse avec moi. Là, c'est la même chose mais en français. Quand os olhos se trocam é assim. Fico fora de mim, on va rester sur fora de mim. Não dá para disfarçar este meu olhar, que só te quero a ti, só quero a ti. Mas eu não falo francês, vais ter que me ensinar. Por enquanto vou dizer o que te quero falar. Noite consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Sing. I'm glad to enable you are running same thing. Living in back together, but you ever look hot. I'm the queen, but c'est pour nous le moment de se quitter. De se quitter en musique, de se dire au revoir, de se dire à la semaine prochaine, la dernière émission avant la Saint-Jean. Ah ouais. Avant le 6 et 7 juillet, donc une musique. Là, nous parlerons encore plus de la Saint-Jean, des surprises que nous vous préparons. Donc la surprise de la chorégraphie a été dit, et c'est à vous maintenant de participer, de jouer le jeu avec nous, de s'entraîner, donc de la chorégraphie que nous allons envoyer tout à l'heure, avec Twissy, Lola, Nathan et moi-même. Mais à nous l'envoyer aussi sur nos réseaux sociaux avec vous, radio, Instagram et Facebook, mais aussi celle de Radio Arc-en-Ciel pour qu'on puisse faire un bon montage pour la mettre et voir toutes les personnes qui donnent envie pour ce festival. Mais on va, avant de dire au revoir, on va vous laisser une dernière musique de la part de Fatima pour encourager le Portugal de ce soir. Donc on va mettre l'hymne du Portugal et après on se redira au revoir. De Fatima pour encourager tous les Portugais de faire un bisou à tout le monde. Donc on la remercie énormément. Merci. Et on beaucoup. Lui fait des bisous. Donc c'est maintenant vraiment à l'heure de nous dire au revoir, de se dire mercredi prochain et pour ceux qui ne nous écouteront pas, mercredi prochain, s'ils travaillent ou etc., rendez-vous le 6 et 7 juillet. En tout cas. Et on pourra redébrief du foot. On pourra reparler du Portugal mercredi prochain. Puis le début des huitièmes de finale va commencer début de semaine prochaine. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Quelle équipe sera qualifiée, quelle équipe va continuer, quelle équipe va gagner l'Euro. Et on pourra savoir déjà, je crois que ce jour-là, on pourra déjà savoir si la France affrontera le Portugal le vendredi même. Tout à fait. Et bah écoutez, on fait des bisous à tout le monde. On vous embrasse. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de bon début de soirée. Pour ceux qui vont faire des fêtes, parce qu'il y en a qui font quand même des fêtes. Pour ceux qui sont comme nous, encore en train de réviser, parce que oui, le bac, les épreuves écrites sont finies, mais pas les épreuves orales. Donc mercredi prochain, nous aurons tous fini clairement le bac et nous attendrons les résultats le 8 juillet. Une date à retenir pour tous les jeunes. On en reparlera le 10 peut-être. Tout à fait. Est-ce qu'on l'a eu, est-ce qu'on l'a pas eu? C'est la question. Eh ben, on verra tout ça. On vous fait des gros bisous, profitez de du soleil. Merci à Mamie d'être venue aujourd'hui pour un peu parler quand même. Merci à toi et merci à Nathan d'être là et merci de m'avoir accueilli alors que... Elle voulait pas parler. Ouais. Mais on a de te voir sur scène. Et voir Nathan aussi danser son petit déhanché. Donc n'hésitez pas à retrouver la vidéo normalement dès ce soir pour la chorégraphie et à nous l'envoyer sur nos réseaux sociaux. Tout à fait. De gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Coleguinha, é solteira e ter qualidade de vida. Ex, é ex, passado é passado. E quem não gostou, vai pra casa do caralho. Ex, é ex, passado é passado. E quem não gostou, vai pra casa do caralho. Ex, é ex, passado é passado. E quem não gostou, vai pra casa do caralho. Ex, é ex, passado é passado. Quem não gostou, vai pra casa do... Le message qui suit est de haute importance. Posez-vous, détendez-vous. Et maintenant, écoutez. La fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel